Madame Basile faisait les honneurs avec une grâce charmante. Au milieu du dîner, l'on entend arrêter une chaise à la porte. Quelqu'un monte. C'est Monsieur Basile. Je le vois, comme s'il entrait actuellement, en habit d'écarlate à boutons d'or, couleur que j'ai prise en aversion depuis ce jour-là. Monsieur Basile était un grand et bel homme, qui se présentait très bien. Il entre avec fracas, et de l'air de quelqu'un qui surprend son monde, quoiqu'il n'y eût là que de ses amis. Sa femme lui saute au cou, lui prend les mains, lui fait 1000 caresses qu'il reçoit, sans les lui rendre. Il salue la compagnie, on lui donne un couvert, il mange. À peine avait-on commencé de parler de son voyage, que, jetant les yeux sur la petite table, il demande d'un ton sévère ce que c'est que ce petit garçon qu'il aperçoit là. Madame Basile le lui dit tout naïvement. Il demande si je loge dans la maison. On lui dit que non. « Pourquoi non ? » reprend-il grossièrement. « Puisqu'il s'y tient le jour, il peut bien y rester la nuit. » Le moine prit la parole, et après un éloge grave et vrai de Madame Basile, il fit le mien en peu de mots, ajoutant que, loin de blâmer la pieuse charité de sa femme, il devait s'empresser d'y prendre part, puisque rien n'y passait les bornes de la discrétion. Le mari répliqua d'un ton d'humeur, dont il cachait la moitié, contenu par la présence du moine, mais qui suffit pour me faire sentir qu'il avait des instructions sur mon compte et que le commis m'avait servi de sa façon. À peine était-on hors de table que celui-ci, dépêché par son bourgeois, vint en triomphe me signifier de sa part de sortir à l'instant de chez lui et de n'y remettre les pieds de ma vie. Il assaisonna sa commission de tout ce qui pouvait la rendre insultante et cruelle. Je partis sans rien dire, mais le cœur navré, moins de quitter cette aimable femme que de la laisser en proie à la brutalité de son mari. Il avait raison, sans doute, de ne vouloir pas qu'elle fût infidèle, mais, quoique sage et bien née, elle était italienne, c'est-à-dire sensible et vindicatif. Et il avait tort, ce me semble, de prendre avec elle les moyens les plus propres à s'attirer le malheur qu'il craignait. Tel fut le succès de ma première aventure. Je voulus essayer de repasser deux ou trois fois dans la rue pour revoir au moins celle que mon cœur regrettait sans cesse. Mais au lieu d'elle, je ne vis que son mari et le vigilant commis, qui, m'ayant aperçu, me fit, avec l'aune de la boutique, un geste plus expressif qu'attirant. Me voyant si bien guetté, je perdis courage et n'y passai plus. Je voulus aller voir au moins le patron qu'elle m'avait ménagé. Malheureusement, je ne savais pas son nom. Je rôdais plusieurs fois, inutilement, autour du couvent pour tâcher de le rencontrer. Enfin, d'autres événements m'ôtèrent les charmants souvenirs de Madame Basile, et dans peu je l'oubliai si bien qu'aussi simple et aussi novice qu'auparavant, je ne restais pas même à friander de jolies femmes. Cependant, ces libéralités avaient un peu remonté mon petit équipage, très modestement toutefois, et avec la précaution d'une femme prudente qui regardait plus à la propreté qu'à la parure, et qui voulait m'empêcher de souffrir, et non pas me faire briller. Mon habit, que j'avais apporté de Genève, était bon et portable encore. Elle y ajouta seulement un chapeau et quelques linges. Je n'avais point de manchette, elle ne voulut point m'en donner, quoique j'en eusse bonne envie. Elle se contenta de me mettre en état de me tenir propre, et c'est un soin qu'il ne fallut pas me recommander, tant que je parus devant elle. Peu de jours après ma catastrophe, mon hôtesse, qui, comme j'ai dit, m'avait prise en amitié, me dit qu'elle m'avait peut-être trouvé une place et qu'une dame de condition voulait me voir. À ce mot, je me crus tout de bon dans les hautes aventures, car j'en revenais toujours là. Celle-ci ne se trouva pas aussi brillante que je me l'étais figurée. Je fus chez cette dame avec le domestique qui lui avait parlé de moi. Elle m'interrogea, m'examina, je ne lui déplus pas, et tout de suite j'entrai à son service.